D'abord, il faut que j'explique comment j'en suis arrivé à m'intéresser à cette question, alors que je ne suis pas du tout un spécialiste du web et des réseaux sociaux, ni un spécialiste des big data, ni rien de tout ça. En fait, si je vous dis tout, au début de l'année 2016, j'ai créé un mouvement citoyen, et puis très rapidement, ce mouvement citoyen a rejoint un mouvement citoyen qui s'est réuni dans le sud-est, notamment à Saillant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette commune qui est assez connue pour sa forme de démocratie participative. Et disons qu'on s'est réuni une première fois, il y avait une trentaine d'associations, surtout locales, et puis on s'est réuni une deuxième fois en Ardèche. Et à l'issue de la réunion en Ardèche, un ou deux au mois de mars, à l'issue, un des participants a constaté, a fait part du fait qu'il y avait une des associations présentes qui était une association d'extrême droite. Et j'ai ensuite constaté aussi qu'il y avait eu des tentatives d'infiltration de Nuit Debout par des mouvements d'extrême droite. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis intéressé à ces mouvements d'extrême droite, qui n'étaient pas le Front National, et dont on vantait l'audience sur le web, dont les sites sont assez connus et dont le nombre de visites revendiquées est assez élevé. Et je me suis demandé comment peut-on vérifier que l'audience revendiquée soit réelle. Et donc, c'est ainsi que j'ai découvert les outils de la Web Analytics. Web Analytics, c'est l'analyse d'audience des sites. Et dans un deuxième temps, mais quelques mois après, la même type d'analyse appliquée aux réseaux sociaux. Alors en fait, la Web Analytics et le Social Media Monitoring sont des approches très utilisées pour l'analyse des sites d'entreprise et des activités d'entreprise sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des motivations économiques évidentes. Ils vendent des produits, ils font des campagnes de publicité, ils veulent savoir si leurs sites sont visités et si leurs campagnes sur les réseaux sociaux portent et suscitent un intérêt parmi les consommateurs. Mais je me suis également aperçu qu'il y avait des données existantes pour les sites des organisations politiques et qu'il y avait des données existantes pour les campagnes de communication politique sur les réseaux sociaux, mais que, à ma grande surprise, personne ne s'intéresse à ces données. Si de temps en temps, on s'intéresse au nombre de followers, au nombre de fans qu'a tel ou tel candidat, mais en fait, il n'y a aucune approche systématique et approfondie de ces données qui sont pourtant disponibles. Et voilà un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai été amené. Et alors, ce que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est un... Bon, d'abord, je vais revenir sur les outils et les questions que posent ces outils de Web Analytics et de Social Media Monitoring. Et ensuite, je vais vous exposer un certain nombre de travaux empiriques que j'ai menés. Disons que j'ai commencé à amasser des données au mois de juillet et que je l'ai fait de plus en plus systématiquement et j'ai élargi mon échantillon. J'ai construit une petite banque de données dans laquelle je suis environ 170 organisations politiques, médias, associations, syndicats, personnalités politiques, etc. Donc, mais revenons d'abord sur la méthodologie de la Web Analytics et du Social Media Monitoring. Alors, commençons par les outils de Web Analytics, c'est-à-dire la Web Analytics s'intéresse à l'analyse d'audience des sites web. Alors, comme je l'ai dit, c'est fait tout à fait fréquemment pour n'importe quel site d'entreprise. C'est moins fait de façon systématique pour les sites politiques et associatifs. Bon, néanmoins, il existe un certain nombre d'outils comme Google Analytics. Alors, si vous avez des questions, si je vais trop vite, vous n'hésitez pas. Je ne sais pas si, dans quelle mesure vous êtes familier avec Google Analytics. Je ne sais pas, par exemple, s'il y en a qui ont des sites web ici. Non, personne n'a de site web. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous avez quoi comme compte Facebook? Tout le monde a un compte Facebook? Voilà. Compte Twitter? Tout le monde? Non? Et vous? Voilà. Twitter. D'autres LinkedIn. Okay. Voilà. Oui, ça c'est plutôt les professeurs. Les étudiants aussi, mais c'est un site professionnel quand même. Instagram, Snapchat. Snapchat, ce serait un des réseaux les plus utilisés par les jeunes. Enfin bref, il en existe de multiples, mais ça c'est sur les réseaux sociaux. Revenons à la web analytics, c'est-à-dire uniquement à la question de l'analyse d'audience des sites. Alors, si vous avez un site, vous pouvez de façon tout à fait gratuite faire en ligne avec l'outil de Google Analytics ou d'autres outils, mais le plus connu et le plus aisément accessible, c'est Google Analytics, faire l'analyse d'audience de votre site. Et il fournit tout un tas de données assez précises sur le nombre de visites, le nombre de sessions, l'origine géographique, etc. Il y a tout un tas de données qui sont disponibles et gratuitement en ligne, mais uniquement pour votre site. Ça, c'est la limite de Google Analytics, c'est que ça ne donne que l'analyse de son site. Or, moi, ce que je voulais, c'était d'analyser l'audience des sites d'extrême droite, tout d'abord, et des sites des partis politiques et associatifs, dans un deuxième temps. Donc, je me suis intéressé à l'analyse d'audience comparée des sites, aux outils qui me permettaient, pour n'importe quel site, par exemple le site des Républicains, ou le site du Parti Socialiste, ou le site de la CFDT, ou le site de François Fillon, de savoir quelle était l'audience de ce site. Et en fouillant sur le net, en renseignant, etc., j'ai découvert qu'il existait deux grands sites aisément accessibles qui sont Alexa. D'une part, Alexa, qui est une entreprise qui dépend, en fait, qui a été rachetée par Amazon, qui dépend d'Amazon. Et SimilarWeb, qui est une autre entreprise. Alors, l'avantage de ces sites, c'est qu'une fois, on peut installer sur sa barre un plugin. Alors, je peux vous le montrer. Hein, si par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein, si je veux... Je ne sais pas quel site vous voulez analyser. Ça peut être le site de l'école de vos études. Je ne sais pas si vous avez un exemple de site dont vous voudriez connaître un certain nombre de données. Le site du IAC. Oui. Le site du... De notre labo. www. Ah ouais. Alors, le site du... IIAC. IIAC. AC. Ah oui, IAC, ça fait. Site du IAC, donc oui, voilà. Donc je me mets sur le site du IAC. C'est très utile, ne serait-ce que pour un labo, de savoir. Enfin, en fait, on fabrique n'importe quel labo à un site, mais quel est l'impact de ce site? On n'en sait rien. Sauf que si vous mettez en haut à droite des plugins. Alors, j'en ai deux, là. J'ai celui d'Alexa, et je vois... Alors, le problème des sites, c'est que souvent, comme là, par exemple, le site du IAC est en fait une sous-partie du CNRS. Donc, on ne va pas avoir de données propres au IAC. D'accord. En revanche, on voit le site du CNRS, il est classé au 9000... 488e rang en France, qui est pas mal, et au monde, hein, le site du CNRS et dans les 10 000 premiers sites visités du monde, ce qui est tout à fait correct et pas tout à fait inattendu quand même, le CNRS. Et puis en France, le CNRS occupe le 561e rang. Alors, si on veut un site, un site qui soit... Alors, le site du IAC, on ne l'aura pas, le détail. Alors, si vous avez un autre exemple... De l'école. Site de... De l'HESS. Là, on aura, je pense, les sites... Par exemple, le site de l'École des hautes études en sciences sociales, qui est là. Donc, si je regarde... si je regarde le site de l'École des hautes études en sciences sociales, il est au 88e rang au niveau mondial et il est au 5000e rang en France. Alors, l'avantage de cette donnée, c'est que c'est gratuit. Et il existe un autre site, alors on va tout de suite voir ce qu'il donne, SimilarWeb, qui dans cet exemple-ci... obtient des données assez similaires. Hein. Il est au 99e millième rang au niveau mondial et au 5000e rang en France. Donc, on a deux données assez convergentes. Donc, vous voyez qu'on obtient aussi d'autres détails. C'est pareil pour Alexa. Dans le domaine de l'éducation, il est au 3000e rang au niveau mondial. Et puis, on obtient le nombre de visites estimées. Ensuite, on obtient une donnée qui est assez importante, le nombre de minutes que l'on reste sur le site. Ça, c'est très important parce qu'on peut trafiquer l'audience par des robots. Les robots deviennent de plus en plus intelligents. Hein, mais au début, les robots ne restaient pas sur un site. Ils cliquaient et ils comptaient. Et donc, le nombre de minutes qu'on restait était un indicateur de visites de robots. Le nombre de pages vues et le bounce rate, le taux de rebond plus il est bas, mieux c'est. Enfin, ça veut dire qu'on reste sur le site, quoi. Plus il est élevé, là, c'est le taux de rebond, contrairement à beaucoup de pourcentages, plus il est élevé, plus il est mauvais, quoi. Donc, pardon. Ces sites, vous les installez, enfin, ces programmes, vous les installez sur l'ordinateur? Oui, je l'installe sur mon... Vous allez sur SimilarWeb et vous cherchez à installer le plugin. Vous allez sur Alexa, vous cherchez à installer le plugin et vous l'installez sur votre barre. Je ne pourrais pas tout de suite là vous dire, mais on pourrait éventuellement à la fin, si on a le temps, faire un exercice. Hein. C'est assez facile. Hein. Alors, je vais vous avouer, moi j'ai passé des semaines, des jours, des semaines, des mois à maîtriser tous ces outils. Hein. Surtout à découvrir ces outils et ensuite à les maîtriser, parce que ce n'est pas du tout évident. Hein. Mais bon, par exemple, ce que je viens de vous dire, moi j'ai mis du temps à le découvrir, quoi, à découvrir ces outils. L'avantage de ces deux, c'est que c'est facile à installer et que c'est gratuit. Maintenant, quand vous voulez, comme moi, suivre l'audience de dizaines de sites, c'est tout un boulot. Parce qu'il faut à chaque fois cliquer, rentrer le site, cliquer, copier, saisir, etc. C'est tout un boulot. Donc, très rapidement, quand on veut faire un travail un peu systématique, on est incité à s'abonner, à avoir des formules d'abonnement. Donc sur lesquels je vais revenir. Hein, ça va très bien pour suivre l'audience d'un site, comme celui de l'École des hautes études, ou l'audience de son parti, de son syndicat, de son mouvement, mais faire une étude un peu systématique, ça ne va pas. Quoi. On peut. Hein, au début, une fois par semaine, je passais 3-4 heures à relever tous mes sites. Puis je me suis dit que c'était pas faisable, quoi. C'était que j'allais pas tenir. Et donc je me suis abonné. J'ai pris un abonnement payant que je vais vous montrer ensuite comment ça fonctionne. Mais revenons à, après je vais vous montrer comment ce qu'on obtient avec l'abonnement payant. Alors Donc, analyse d'audience comparée de sites. Voilà, j'ai découvert. Il en existe d'autres. Le problème, c'est que tous les sites ne couvrent pas tous les sites mondiaux. Les plus accessibles, même s'ils sont critiqués par les connaisseurs, hein, dès que j'ai commencé à publier des données là-dessus, on m'a dit oui, mais Alexa, ça fausse les données, etc. Donc, mais enfin bon, on y reviendra. Alors, pareil, donc là, j'ai passé en revue les outils d'analyse d'audience de sites. Maintenant, quels sont les outils de social media monitoring ? C'est-à-dire, quelles sont les analyses, quels sont les outils qui font l'analyse d'audience des sites, des réseaux sociaux ? Alors, pareil, il en existe un certain nombre qui sont gratuits, qui sont BuzzSumo, qui est le plus accessible. Mais je ne vais pas vous faire la démonstration parce que je n'ai pas installé, parce que j'utilise des outils payants. Il y a SumoRank qui se limite à Facebook. Hein, donc, SumoRank, vous pouvez aller sur le site de SumoRank. Vous pouvez aller sur votre page Facebook, rentrer votre page Facebook et vous aurez une mesure d'audience de votre page Facebook. Hein, ce qui est le plus. Alors, il y a Social Bakers aussi, qui est un outil qui fait des analyses assez sophistiquées, qui vous propose. Tous les sites font pareil, c'est-à-dire. Font plus ou moins pareil. Soit ils vous donnent accès gratuit pour tester ça sur un seul réseau social, sur un seul compte de réseau social, soit ils vous donnent la possibilité de tester pendant une ou deux semaines le site. Puis après, une fois qu'on a épuisé les deux semaines, on vous suggère de prendre une formule payante pour aller. Et puis en général, dans la période gratuite, vous pouvez rentrer 1, 2, 3, 4, 5 comptes de réseaux sociaux et pas simplement tous les comptes d'une personne ou d'une entreprise, mais uniquement le compte Facebook de François Fillon, par exemple. Et si vous rentrez son compte Twitter, ça va compter pour un compte de plus. Et donc, vous arrivez à analyser les réseaux sociaux d'un seul. Donc, personnellement, j'utilise un quatrième site qui est analysé là, qui est SEMrush, qui est un outil que je vais vous montrer, qui me permet de faire l'analyse d'audience des réseaux sociaux. En fait, il crée un outil et on peut rentrer un certain nombre de comptes de réseaux sociaux dans cet outil, et ça permet de suivre l'audience. Alors, entre guillemets, l'audience, parce que je reviendrai sur les termes, de Facebook, de Twitter, d'Instagram, de Google+, et de YouTube. Je reviendrai après sur la façon dont ça fonctionne. Alors, c'est un outil assez sophistiqué que j'utilise, en lequel j'ai assez confiance, parce que contrairement aux données des sites d'audience qui sont mesurer selon des méthodologies un peu mystérieuses, les données relatives aux réseaux sociaux sont produites par Facebook, sont produites par Twitter, sont produites par YouTube et sont assez fiables. Hein, par exemple, quand on sait que la chaîne YouTube de Mélenchon a 200 000 abonnés, c'est relativement fiable. Hein. Et quand on sait qu'un tweet qu'il y a eu 15 tweets de François Fillon hier, c'est assez fiable. Hein, donc ces données-là sont assez fiables. Le problème, c'est que si on devait collecter nous-mêmes ces données à partir de Facebook, Twitter, YouTube, c'est impossible. Et l'outil fait tout ce boulot et fait un traitement de ces données assez intéressant. Donc je reviendrai sur SEMrush, sur son social media tool, qui est vraiment un outil que je trouve remarquable. Alors, les problèmes que posent ces outils avant de les utiliser. Premièrement, le premier problème auquel je me suis heurté, c'est que tous ces outils précisent dans leur Terms of Service, dans leur contrat, pour ainsi dire, d'utilisation, qu'on ne peut pas publier ces données. Ce qui, pour un chercheur, est vraiment problématique. Donc, tous ces outils sauvegardent jalousement le droit de publication et d'exploitation de ces données. Il faut avoir en tête que ces outils travaillent surtout pour des entreprises et que leur objectif, c'est d'obliger chaque entreprise à s'abonner à ces outils. Donc, bien entendu, si une entreprise se mettait à publier la liste de tous ses concurrents, ça serait une perte nette d'abonnement pour l'outil. Donc, ils interdisent assez sévèrement, sauf autorisation, la publication des données. Et donc, parmi tous les outils que j'ai utilisés, par exemple, j'ai privilégié ceux qui m'autorisent à publier les données en ligne. Pour l'analyse d'audience des sites, c'est Alexa, qui, dans les Terms of Service, dit qu'on ne peut pas les publier, mais on arrive, en fouillant dans tous ces trucs, à voir qu'en fait, on peut les publier, mais uniquement en ligne. On ne pourrait pas faire un article et le publier dans Le Monde ou dans une revue académique. C'est interdit, hein, dans la version papier. Donc, c'est un premier problème. Et SEMrush a également autorisé la publication des données. Pareil, en ligne uniquement. Avec des conditions, c'est que c'est pour ça que sur mon blog, systématiquement, je mets en dessous de toutes les données copyright, Alexa, copyright, SEMrush, pour me couvrir parce qu'ils le veulent. Deuxièmement, il y a la collecte saisie des données. Il existe des outils gratuits, mais si on veut suivre 170 sites, c'est impossible à faire. Donc, on est obligé de passer à des formules payantes. Alors, les formules payantes, il y a tout et son contraire. Il y a toute l'échelle de prix de 50 ou 60 euros par mois à 1000 voire plus euros par mois. Donc, en fait, pour vous dire tout, je suis abonné à une formule d'Alexa pour 60 euros par mois qui me permet de suivre l'audience des sites de mes 170 sites de façon assez simple. Et je me suis abonné à SEMrush, là pour un coût plus élevé, enfin un coût théorique plus élevé, c'est 240 euros par mois. Sauf que SEMrush est assez intéressé par mes travaux et du coup m'a filé un premier abonnement gratuit de 3 mois, m'a fait payer un mois et m'a redonné un abonnement gratuit jusqu'au mois d'août. Donc c'est un cadeau qui n'est pas négligeable, surtout que j'avais demandé à mon labo de m'aider à financer ça, qu'ils avaient refusé parce que ces travaux ne rentrent pas dans les analyses, dans les thèmes d'analyse du labo et de la sociologie économique. Et je suis c'est le privilège des retraités, c'est que je ne fais que ce que j'ai envie de faire, peu importe. Mais du coup, j'étais prêt à payer. Et c'est assez amusant parce que j'ai eu un petit débat avec un jeune chercheur belge. Alors, effectivement, moi je suis pas très jeune, mais ça devrait être plutôt un jeune chercheur belge spécialiste des réseaux sociaux qui avait écrit en novembre. Ça avait été publié dans la presse que les réseaux sociaux étaient de mauvais thermomètres de l'opinion publique. Et j'ai contesté ça. Et un des premiers arguments, il me dit « Ouais, mais moi, j'utilise 10 000 euros d'investissement d'outils et toi, tu utilises des outils gratuits. » Enfin, il ne savait pas que c'était... Mais en tout cas, il y avait l'argument qu'il payait beaucoup et que donc, ces données devaient être... meilleur que les miennes. Ouais, le coût est quand même un problème, mais normalement pour une recherche, enfin c'est un problème, mais quand même c'est un mini problème. Hein, quand on sait que le coût d'une recherche, c'est quand même pour un labo qui s'intéresse à ces données, c'est rien, c'est peanuts pour moi. C'est même que ça serait 1000 euros par mois, un labo qui se spécialiserait dans ces données pourrait. Bon. Le quatrième problème, c'est le plus grave, c'est le plus délicat, c'est celui de la fiabilité. Alors, je le détaille un peu. En fait, pour les sites, comme pour les réseaux sociaux, il existe le problème de l'audience fake, de l'audience trafiquée, de l'audience fausse. C'est-à-dire que il existe des fermes à clics, c'est-à-dire il existe des entreprises que vous pouvez payer et qui vont artificiellement gonfler votre audience en faisant en sorte que votre site soit consulté. C'est un phénomène connu, répertorié, et je me suis fondé notamment sur une analyse de ce phénomène par une entreprise spécialisée aux États-Unis dans l'achat et la vente de sites. Et donc, quand on achète un site, on aimerait bien savoir, pour des raisons économiques, on aimerait bien savoir si l'audience est vraie ou fausse. Et donc, il développait dans son analyse tout un tas d'indicateurs qui permettaient de s'apercevoir des fausses audiences. Donc, il y a tout un tas d'indicateurs qui permettent de vérifier si c'est vrai. Le deuxième problème, c'est qu'il existe des robots qui peuvent et qui sont de plus en plus sophistiqués. C'est-à-dire qui épousent de plus en plus le comportement humain, quoi. Au début, c'était des robots qui cliquaient simplement, et puis maintenant, ils réagissent, ils interagissent, et ça, c'est un vrai problème. Bon. Il peut aussi exister des manipulations. N'importe quel candidat de la campagne électorale a une équipe dédiée, spécialisée, qui mène des véritables opérations sur les réseaux sociaux pour accroître son influence sur les réseaux sociaux. Bon, ceci dit, il existe un certain nombre d'indices, les métriques. Alors, pour le moment, j'ai parlé de l'audience d'un site web, mais en fait, l'audience d'un site web donne lieu à tout un tas de métriques détaillées, et l'analyse de ces métriques doit être d'une certaine cohérence pour que dès que cette cohérence est perdue, c'est des indices de ferme à clic, d'activité de robot. Deuxième indice, le net. Par exemple, sur le net, il y a tout un tas de spécialistes de l'informatique qui repèrent assez facilement les faux tweets, les activités de robot. On en a régulièrement des exemples. Par exemple, tout à fait, il y a quelques semaines, il y avait un faux tweet qui avait été lancé par l'équipe de Fillon, enfin, lié à l'équipe de Fillon. Et il y a des internautes qui sont des spécialistes de tout ça et qui surveillent et qui dénoncent les opérations bidons. Il y a les anomalies. Les anomalies, j'en ai découvert une tout à fait récemment. Je suis tous les candidats à la présidentielle, je vais y revenir, mais je vais y revenir à la fin, peut-être, sur cette anomalie concernant. Voilà, donc, les outils que j'utilise, c'est deux outils. Pour l'analyse d'audience, j'utilise Alexa, et pour l'analyse des réseaux sociaux, j'utilise SEMrush. Alors, si je clique normalement, voilà ce que ça donne. Voilà, alors, on est obligé de rentrer son audience de site, hein, mais bon, c'est pas pour ça. Donc je clique, j'ai rentré un certain nombre, alors je suis obligé, j'ai rentré un certain nombre de sites sur le dashboard d'Alexa, et par exemple, je suis... tous les jours, actuellement, pas tout parce que ça serait trop de boulot, je suis tous les jours l'audience. Alors, le problème, c'est qu'il faut que je mette France ici. Et donc, tous les jours, et puis je les mets dans l'ordre, voilà. Tous les jours, je suis l'audience des sites de Fillon, Marine Le Pen. Et j'ai ajouté récemment Barouin, Vauquier, etc., parce qu'il était question qu'il y avait des candidats alternatifs à Nicolas Dupont-Aignan, etc., Vauquier, Sarkozy. Enfin bref, Et tous les jours, je suis quand même obligé de copier ces données sur la France tous les jours, parce que ces données restent pas en mémoire. Je ne fais pas ça pour tous les sites, je fais ça pour tous les sites que je suis une fois par semaine. Ça me prend 2 heures, mais si je devais faire. C'est rien. Quoi. Et je fais ça tous les jours pour les principaux candidats à l'élection présidentielle, qui sont ceux-là. Donc vous voyez que le site de Fillon est au 2000e rang, et je suis ça tous les jours, et je vais y revenir. On ne le voit pas. Ah, pardon. Oh là, excusez-moi. Donc en fait, c'est un dashboard sur lequel j'ai rentré toute une série de alors qui sont dans un désordre, j'arrive pas à comprendre l'ordre, mais bon. Je rentre des personnalités qui sont les candidats à la présidentielle dans la période actuelle, les médias, l'extrême droite, parce que ça reste, je suis les élections aux Pays-Bas, je suis les médias d'extrême droite, je suis un certain nombre de sites d'associations et d'ONG, je suis les sites des partis politiques, l'extrême droite encore, l'encyclopédie, parce que je m'intéresse à la façon dont les gens s'informent, et donc j'ai intégré Wikipédia, qui est quand même le meilleur site, j'ai intégré aussi la BNF, l'INA, etc. Je suis les syndicats, vieil objet d'intérêt, les partis politiques, la radio-télé, etc. Donc, pour chacun de ces sites, j'obtiens quotidiennement leur rang au niveau mondial, leur rang en France. Et quotidiennement, je peux ainsi le suivre. Alors ça me coûte 60 euros par mois. Là, ils n'ont pas voulu faire de cadeaux. Bon, ça va, c'est faisable. J'arrêterai après les élections présidentielles parce que c'est quand même pas non plus. Mais voilà, donc si par exemple, tous les jours, les personnalités B, c'est plutôt les gens de gauche. Et donc, je peux les mettre dans l'ordre. Vous voyez que. Les deux sites de Mélenchon arrivent en tête, le site de Mélenchon arrive en tête, devant le site de Macron, ensuite il y a l'autre site de Mélenchon, Benoît Hamon qui est au 3000e rang, et par exemple Charlotte Marchandis, par exemple, ce qui est quand même intéressant, c'est que vous connaissez Charlotte Marchandis ? Bonjour. Je ne connaissais pas Charlotte Marchandis. C'est déjà un indice. Charlotte Marchandis est une candidate citoyenne à l'élection présidentielle qui a été sélectionnée par la primaire.org. Et c'est une candidate qui, bien entendu, malgré un certain intérêt qu'elle suscite sur les médias, n'a absolument pas l'exposition médiatique de Macron, etc., Mélenchon, etc. Néanmoins, cette candidature suscite un réel intérêt. Il y a tout un tas de mouvements citoyens qui suscitent un réel intérêt face à la perte de crédibilité, de légitimité des institutions et acteurs politiques traditionnels. Et bien entendu, dans les sondages, ça n'apparaît pas. Hein. Mais là, par exemple, je vois que le site de Charlotte Marchandise, qui a donc été candidate à l'issue d'une procédure de sélection sur le site de la primaire.org, elle est au 18 000e rang, ce qui n'est pas si mal que ça quand vous voyez par exemple que le site de Wauquiez, de Barouin est au 30 000e rang, et le site de Wauquiez est au 80 000e rang, et le site de Jadot est au 100, il est même plus classé, enfin il est au-delà des 125 000e rang en France. Donc l'audience des sites permet de s'intéresser à des faits politiques que les sondages ne mesurent pas, parce que les sondages ne sont pas équipés pour mesurer, et puis parce que même vous qui êtes quand même dans un groupe qui suivait les élections politiques, vous ignorez qu'il y avait Charlotte Marchandis. Et je pense que les sondages, les chercheurs sont aveugles à un certain nombre de phénomènes que les audiences des sites, etc., permettent de suivre. De même que vous voyez Super Châtaigne, je ne sais pas si vous connaissez Super Châtaigne, c'est un autre candidat à l'élection présidentielle qui est masqué, toujours masqué, qui vient d'Ardèche, Un espèce de Super Dupont, je ne sais pas si vous êtes jeune, mais Super Dupont, c'était une BD de pilote. Un peu sur les, c'était la version française caricaturale de Superman, sauf que c'était Super Dupont avec un béret et tout, qui se frappait sur la poitrine. Et là, Super Châtain, c'est toujours la même idée. Et il est au 80 000e rang. Il est quand même, son site est plus visité que celui de Jadot, hein, ou celui de Sarkozy aujourd'hui, parce que bon, Sarkozy, c'est vrai. Donc voilà pour le site de l'audience, pour l'outil qui me permet de suivre l'audience des sites. Alors, si je vous montre, parce qu'après je vais quand même... Ah oui, ça ne marche pas, si, mais je peux le lancer tout de suite. Voilà, ça c'est le site de SEMrush, qui est beaucoup plus sophistiqué. Et je peux vous dire que je me suis... parce que tout de suite, ils m'ont proposé un abonnement gratuit pendant 3 mois, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre l'usage de ce site. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que le véritable intérêt, c'est le social media tool. Et donc, voilà comment il fonctionne. C'est marqué gauche, mais ça comprend tous les candidats essentiels à l'élection présidentielle. Et donc, tous les jours, pour la veille, j'ai, pour un nombre de jours qui varie, par exemple, soit sur les derniers 2 jours, soit sur les derniers 7 jours, soit sur les derniers 30 jours, 60 jours, j'ai l'audience, l'activité et l'engagement, je vais y revenir après, pour les principaux candidats, les 5 principaux candidats, qui sont Marine Le Pen, Mélenchon, Fillon et Macron. Par exemple, si je m'intéresse aux 2 précédents jours, pour être vraiment dans l'actualité, hein, je vois que sur les journées du 21 et du 22 février, Marine Le Pen a l'audience la plus forte, c'est-à-dire le nombre de fans sur Facebook, de followers sur Twitter, d'abonnés à son compte Instagram et d'abonnés à YouTube, les 4 sites que je suis, le plus élevé, c'est-à-dire 2,5 millions devant Mélenchon, qui en a 1,8 million, et devant François Fillon, 700 000, et enfin, un queue de peloton, il y a... donc, il y a un monde. Mais l'audience n'est pas l'indicateur le plus intéressant. L'activité, c'est... qu'ont fait les syndicats les 2 jours précédents sur les réseaux sociaux. Donc, je vois qu'au total, Hamon a fait 69 actes de communication sur ses comptes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. On voit, par exemple, et puis on a les chiffres, hein, chaque fois, qu'il a fait 13 posts sur Facebook et qu'il a fait 48 tweets, lui ou son équipe, hein. Et sur les 2 jours précédents, et etc. D'accord ? Et donc, on a là une échelle d'activité, mais ça mesure que l'activité. Charlotte Marchandise peut très bien arriver en tête de cette activité. Il suffit d'être très actif. Mais l'indicateur le plus important, c'est l'engagement. C'est quoi l'engagement ? Je vais y revenir, mais déjà, je peux le dire parce que c'est vraiment l'indicateur. Quand quelqu'un fait un post, quand vous faites un post, vous avez des amis qui vous like, qui vous love, qui vous angry, qui font wow, etc. Vous connaissez ces trucs. En fait, l'engagement mesure toutes les interactions créées par les posts, par les tweets, par... Et toutes les interactions, c'est-à-dire les likes, love, etc., les partages, les commentaires, tout est additionné. Et là, vous voyez que Mélenchon a suscité le plus d'interactions sur le net par rapport aux 5 candidats, mais que on voit très bien que l'essentiel des interactions qu'il suscite est lié à YouTube. Or, en fait, on sait aussi que les vidéos suscitent plus d'interactions que les textes et que les photos. Et donc, apparemment, apparemment, Mélenchon est en tête, mais en fait, si on s'intéresse aux deux outils de base qui sont Facebook, surtout, et Twitter, on s'aperçoit que c'est Marine Le Pen, quand même, qui suscite le plus d'interactions au cours des deux jours passés. Mais je peux avoir des statistiques sur les 30 derniers jours, sur les 7 derniers jours, sur les 30, 60, 90 derniers jours. Donc voilà les outils que j'utilise. Alors, ça, l'avantage de par rapport à Alexa, c'est que ça reste en mémoire, quoi. Bon, ceci dit, je l'ai saisi. Bon, même si c'est pas du tout évident, parce que si je veux saisir ça, voilà ce que j'obtiens. Voilà. Et il faut savoir comment on transforme un tableau CSV en Excel, ce qui est assez facile, hein. Mais bon, tout ça, c'est une petite série de manipulations que l'on apprend au fur et à mesure, et que j'ai appris au fur et à mesure, et dont je vais vous rendre compte maintenant. Donc voilà, je ne sais pas, avant que je ferme l'outil, voilà, allez-y. Oui, je voulais savoir, vous croisez par exemple activité et engagement, parce que si Marine Le Pen ne pose pas beaucoup, mais elle a beaucoup d'engagement, c'est un super engagement. Il existe pour chacun des alors si, parce qu'on peut aller dans le détail, on peut aller sur Facebook, hein, on peut avoir les données pour Facebook, hein, et on peut avoir les posts, l'audience, l'activité, et puis on peut avoir les comparaisons d'activité des uns et des autres. On peut aller sur l'engagement et on a notamment une donnée qui s'appelle taux d'engagement, qui permet de mesurer l'impact par rapport à son nombre de followers. J'y reviendrai dans le dernier tableau de mon exposé sur cette notion. Effectivement, il faut croiser tout ça. Il faut croiser pour éviter d'être abusé par des chiffres importants d'activité. Mais ce n'est pas l'activité le plus important, c'est vraiment les données d'engagement. Mais ceci dit, quand il y a parfois des les uns sont liés quand même. On peut artificiellement gonfler l'engagement en multipliant l'activité et en faisant en sorte qu'un noyau de militants vous interagit là-dessus, quoi. Vous like, etc. Alors, je ne sais plus, mais je vais y revenir. Où est-ce que je... C'est peut-être sur Twitter. Et alors, ce que l'on a aussi sur ces données, hein, je peux. Alors voilà, c'est les posts. Regardez. Les posts sur Facebook de Jean-Luc Mélenchon, vous avez là un post, le total d'engagement, c'est-à-dire le post du 21 février. Dans lequel il disait, c'était une vidéo, on ne peut pas dire que mon raisonnement soit une surprise depuis 2014, donc c'était une vidéo. Et il a suscité au total, alors c'est des chiffres anglais, donc la virgule, il faut le transformer, enfin il faut l'éliminer, quoi. Il a suscité 12 717 engagements, soit un taux d'engagement, mais c'est en millième. Un taux d'engagement, et là on est un taux d'engagement de 1% en fait. Mais les taux d'engagement sont jamais très élevés. Hein. Si on décompose, au total, il a suscité 8400 réactions, 3600 partages et 563 commentaires. Et on peut donc voir pour chaque poste, et on peut les classer du plus important au plus... on peut les classer par date, on peut les classer par... du plus important au moins important, et on peut les classer, voilà, par le total d'engagement. On a énormément de données, c'est les big data, hein. c'est une foule de données dont je n'utilise qu'une petite fraction. On pourrait très bien faire aussi une analyse de texte de tous les, par exemple, on pourrait très bien comparer dans le détail comment Mélenchon communique comparer à Marine Le Pen, faire une analyse de vocabulaire, parce que tous les postes sont là. Vous avez toutes les données. Il y a une source, mais il y a une mine de données pour les chercheurs qui est incroyable, qu'on commence à utiliser. Hein. Enfin, notamment sur le site de conversation, il y a un article là-dessus sur le contenu du discours. Mais il y a vraiment toute une série de données qui sont utilisées. Alors, je vais vous montrer comment je m'en suis servi. Voilà. Donc, je m'en suis servi pour étudier la primaire de la droite et du centre. L'élection du président autrichien, la primaire du Parti socialiste et la campagne présidentielle en cours. Donc voilà comment je m'en sers, mais de façon, je pense que j'utilise quelques pourcents des données disponibles. Enfin, il y a pour les chercheurs, il y a une mine à explorer. Alors premièrement, donc au tout début, je m'intéressais uniquement à l'audience des sites. Et l'audience des sites était assez intéressante parce que elle mettait en évidence, alors je suivais ça depuis juillet en fait, hein, mais et après j'ai suivi ça de jour en jour, au début semaine par semaine, et puis plus on approchait de la date du 20 novembre, première date, plus je suivais ça jour par jour pour essayer de voir. Alors au début, alors les couleurs ont été imposées par PowerPoint. Là. Donc, Juppé était en tête, Sarkozy était tout près de Juppé, et Fillon était détaché. Et dans les jours qui ont précédé, on voit que Fillon a d'abord dépassé Sarkozy. Autrement dit, ça veut dire quoi? Que l'intérêt pour le site de Fillon a été plus important que l'intérêt pour le site de Sarkozy. Indicateur premier. Et puis, dans les derniers jours, il a dépassé, l'intérêt pour le site de Fillon a dépassé l'intérêt pour le site de Juppé. Et puis, on avait vraiment détaché les autres candidats. Donc, à partir de ces données, ben, on pouvait prévoir ce que les sondages ne prévoyaient pas, que l'intérêt pour Fillon était plus important que l'intérêt pour Juppé et que l'intérêt pour Sarkozy. Déjà, ça mettait en évidence l'ordre que tout le monde voyait Sarkozy qualifié et que ça allait se jouer entre Fillon et Juppé. De façon plus détaillée, voilà ce qui s'est passé en ne s'intéressant qu'à Fillon et à Juppé. On voyait très bien que... Fillon, qui était un site, était moins visité que celui de Juppé, à partir du 18 novembre, a suscité un intérêt, et puis que l'intérêt, l'écart, est allé croissant. Mais ceci dit, mais à l'époque, personne ne s'intéressait trop à cette question. Je pense que l'intérêt pour les sites n'était pas trop trafiqué non plus. Peut-être que c'est moins vrai aujourd'hui. Mais ces données, en tant que telles, ont qu'un intérêt limité. Hein. Beaucoup d'amis, notamment politiques, m'ont dit « Ouais, mais en fait, l'essentiel se passe sur les réseaux sociaux. » J'ai mis du temps à m'intéresser aux réseaux sociaux et j'ai découvert SEMrush. J'ai mis du temps à découvrir l'intérêt de SEMrush. Et voilà ce que donnaient les données de SEMrush. Donc, vous avez donc trois types de données qui sont publiées par SEMrush. D'abord, l'audience. L'audience calcule le nombre de fans, de followers, d'abonnés sur YouTube. Hein, donc, c'est les trois. Donc, on voit que Sarkozy, ancien président, a accumulé un stock de fans, mais c'est logique, c'est le résultat du passé. En fait, la limite des données d'audience sur les réseaux sociaux, c'est que c'est le fruit du passé. Hein, il est évident que si vous êtes ami à un moment donné pour Sarkozy, mais que vous êtes déçu, vous n'allez pas nécessairement vous rayer de la liste des amis de Sarkozy, vous restez parmi les amis. Donc, si on se fie à l'audience, Sarkozy est loin devant Juppé et loin devant Fillon. Juppé avait un nombre de fans sur Facebook assez important, enfin, qui n'avait rien à voir avec celui de Sarkozy. Et cet exemple est particulièrement intéressant, parce que le deuxième indicateur, c'est l'activité. Donc vous voyez que ça, c'est pas du tout la même échelle, hein. C'est sur 7 jours, hein. Sur 7 jours glissants. C'est toujours sur 7 jours glissants. Donc du 12 au 18 novembre, le plus actif a été Sarkozy, qui est effectivement très, très actif, qui allait renverser la table, etc. Devant Fillon, alors que Juppé est beaucoup moins actif. En fait, Juppé a totalement négligé les réseaux sociaux, n'a pas compris qu'une grande partie de la campagne politique se jouait sur les réseaux sociaux. Et le dernier graphique montre que Fillon était en train de gagner, parce qu'il montre que sur les réseaux sociaux, l'activité supérieure de Sarkozy à Fillon ne se lisait pas dans les données d'engagement, ce que vous suggériez, et que sur les réseaux sociaux, bah, c'est Fillon qui suscitait le plus de réactions. Alors, bien entendu, parmi les réactions, il y a des réactions d'hostilité, des ingris, hein, mais ça la vaut pour tout le monde, et probablement ça a valu encore plus pour Sarkozy, parce que Sarkozy suscitait une hostilité. Et ça, vous pouvez le détailler, vous pouvez le voir dans les données, parce que il y a une fonction qui permet de détailler les likes, les loves, les angries, etc. Ça, on peut voir dans le détail si l'engagement, autrement dit, les interactions suscitées par votre activité de communication est un engagement positif ou négatif. Ou la proportion, en tout cas. C'est largement positif, hein, de toute façon. Mais donc voilà, donc, à partir de ces données, la veille du premier tour de la primaire, on pouvait prévoir qu'à partir de ces données, que Fillon allait probablement... entrevoir que Fillon allait créer peut-être la surprise sur les réseaux sociaux, à la primaire, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Hein, donc, les données permettaient de voir se passer un phénomène, l'évolution de l'opinion politique, la percée de Fillon, alors que les sondages étaient dans l'incapacité totale de voir ce phénomène. Et en plus, une fois que Fillon, non seulement Fillon arrivait en tête, mais il créait un écart avec Juppé qui était très fort et qui se lisait dans les engagements sociaux. Alain Juppé n'a absolument pas compris, et l'équipe d'Alain Juppé n'a pas compris à quel point l'arène numérique était importante. Alors, deuxième exemple, oui, l'élection du président autrichien. Ce qu'il y a de génial, excusez-moi, avec ces données, c'est que vous pouvez faire ça dans n'importe quel pays. Et derrière votre ordinateur, ben, rien ne vous empêche de suivre n'importe quel pays. Et donc, il y avait l'élection du président autrichien qui allait se passer. Les sondages, sauf un, prévoyaient tous la victoire du candidat d'extrême droite. Et je suivais ça depuis assez longtemps et quotidiennement, plus on approchait. Et donc, premier indice, que c'était peut-être pas perdu pour Van der Bellen, le candidat vert, c'est que sur les réseaux, sur l'audience de son site, était largement devant l'audience du site du candidat d'extrême droite. Mais ce n'est pas l'indicateur le meilleur. Donc, il fallait se méfier, mais en tout cas, le candidat vert suscitait beaucoup plus d'audience que le candidat d'extrême droite. Et si on regarde toujours les mêmes données, audience, activité et engagement, on remarquait que Norbert Hofer, c'est le candidat d'extrême droite, Van der Bellen, c'est le candidat vert. Donc on remarquait que le candidat d'extrême droite avait plus de fans sur Facebook, Twitter et YouTube que le candidat vert, que le candidat d'extrême droite était plus actif sur les réseaux sociaux, il avait bien compris l'enjeu, mais en fait, au niveau des données d'engagement, une nouvelle fois, on constatait que la population autrichienne, sur les réseaux sociaux, était très sensible à la situation et s'engageait beaucoup, là le terme, on peut l'utiliser directement, hein, c'est le terme anglais en fait, mais l'engagement traduisait un véritable engagement des internautes en faveur d'Alexander Van der Bellen. Et effectivement, le résultat, alors que tous les journalistes étaient majoritairement au local de Norbert Hofer, s'ils avaient regardé ces statistiques, ils auraient été chez Alexander Van der Bellen. Et c'est Van der Bellen qui a gagné cette élection, de façon assez nette. Question ? La démonstration est assez aisée. Alors, la primaire du Parti Socialiste, troisième exemple, où ça fonctionne très très bien. Alors, outre les principaux candidats, parce que si je me limite aux principaux candidats, c'est pas par mépris des petits candidats, mais c'est que graphiquement, si on met des petits candidats, on obtient des échelles qui écrasent la différence entre les principaux candidats. Et que deuxièmement, ça demande du temps dessus, tout ça. Le premier, c'est l'intérêt pour le site de la primaire socialiste. Alors, on aurait pu le comparer avec l'intérêt pour le site de la primaire de la droite. Et mettre en évidence qu'on voyait déjà entre les différents niveaux d'audience des deux sites que la participation serait inférieure à celle de la droite, mais que néanmoins, au fur et à mesure qu'on approchait de l'échéance, l'intérêt pour la primaire augmentait quand même à un niveau assez élevé. On voit très clairement que l'audience des sites mettait en évidence depuis longtemps le fait que Benoît Hamon était loin devant les autres candidats et que Manuel Valls, qui de toute façon ne s'est jamais intéressé à l'arène numérique, était largement décroché. Hein. Que donc l'audience des sites mettait en évidence que l'intérêt pour Benoît Hamon était nettement la plus forte, et ceci de façon encore plus frappante que pour François Fillon, qui n'a réalisé son rattrapage que dans les derniers jours. Pareil pour l'audience, l'activité, l'engagement. Manuel Valls a le plus de fans, il a été Premier ministre, le pouvoir politique vous procure beaucoup d'amis, etc., etc. Les autres ont été ministres plus ou moins longtemps, ils ont un nombre d'amis sur Facebook, Twitter, etc. Important, mais enfin, cette hiérarchie n'a pas beaucoup d'importance. L'activité, on comprend que Benoît Hamon avait le mieux compris des quatre principaux candidats, l'intérêt d'être présent sur les réseaux sociaux. Et en termes d'engagement, alors là, il n'y a pas photo, c'était l'engagement pour Benoît Hamon qui l'emportait de loin devant Manuel Valls. Et donc, on pouvait prévoir que Benoît Hamon emporterait la première. Arriverait en tête à l'issue du premier tour de la primaire socialiste, et que j'hésitais pour savoir qui allait être second, parce que si on se fie au site, l'audience des sites c'était Montebourg, si on se fie à l'engagement c'était Manuel Valls. Bon, maintenant Montebourg et Hamon avaient en partie le même électorat, donc il y a eu des transferts probablement de Montebourg à Hamon. Enfin bref, une nouvelle fois, l'engagement montrait très clairement, annonçait le candidat. Si les sondages avaient perçu la montée de Fillon, ils prétendent même l'avoir annoncé, si on les écoute. Les sondages n'avaient absolument pas prévu la victoire de Hamon. Enfin, ça avait, au mieux, il l'annonçait dans un des sondages à égalité avec Manuel Valls. Et les réseaux sociaux permettaient d'anticiper cette victoire. Alors, la campagne présidentielle en cours, que dit-elle ? Alors, Premièrement, on est très loin, malgré tout, du premier tour de la présidentielle. Et donc, deuxièmement, on voit que Marine Le Pen a l'audience sur son site qui est la plus faible. Mais Marine Le Pen ne fait pas campagne, les autres font campagne pour elle. Et puis, elle est partie et elle ne cesse de monter. Et je pense que dans les dernières semaines, l'intérêt pour le site de Marine Le Pen va passer devant l'intérêt pour tous les autres sites. Donc, on est encore très très loin. Bon, néanmoins, et puis en plus, je pense que Mélenchon a mis en place un système qui lui permet d'être en tête pas mal sur l'audience pour les sites. Enfin bref, on remarque quand même que Mélenchon est en tête devant En Marche, qui petit à petit se rapproche de Mélenchon, que Fillon n'a pas trop souffert du Penelope Gate, et que Benoît Hamon n'a finalement pas un si mauvais score que cela, même s'il est détaché en termes d'audience. Mais là encore, on est loin du premier tour de la présidentielle, et l'audience des sites n'est pas le plus significatif. Que disent les données sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube? D'abord, l'audience. On voit que l'audience de Marine Le Pen est nettement la plus forte, et que sur Facebook et sur Twitter, c'est également, sauf sur YouTube, où Mélenchon, c'est bien connu, écrase tout le monde parce qu'il a le seul compris l'intérêt de YouTube. Ceci dit, il a le seul compris l'intérêt de YouTube, mais en même temps, que ce soit aux États-Unis, où Trump aussi dépassait Hillary Clinton de loin sur les réseaux sociaux, que ce soit en Autriche, que ce soit lors des deux primaires, la chaîne YouTube n'a jamais joué un rôle très très important. C'est Facebook et Twitter qui sont les plus déterminants. Et entre les deux, c'est encore Facebook qui est le plus déterminant. Donc il faut raisonner très souvent hors YouTube pour vraiment mesurer la façon dont Marine Le Pen écrase tous ses concurrents sur les réseaux sociaux. Toujours est-il que c'est l'audience, et effectivement Marine Le Pen se vante de temps en temps d'avoir le plus d'audience, d'avoir le compte Facebook qui a le plus d'audience. Elle est au-dessus du million, que ce soit pour Facebook ou que ce soit pour Twitter. Mais ce n'est pas l'audience la plus importante. Si on regarde maintenant l'activité et l'engagement, dans la semaine du 13 au 19 février, parce que ça peut varier, ça varie beaucoup d'une période à l'autre. On voit que les couleurs ont j'ai éliminé les couleurs et j'ai un petit doute. Au cours de cette semaine, l'activité la plus forte, le rouge là, c'est bien Mélenchon, et le bleu foncé, c'est Marine Le Pen. Moi, j'ai enlevé la légende, croyant que c'était la même que celle d'avant, mais celle d'avant, j'arrivais pas à corriger à cause de PowerPoint qui imposait ses couleurs au modèle. Donc là, on voit très bien que c'est Mélenchon en rouge qui a été le plus actif. Et si on regarde le détail, il a été notamment actif sur Twitter. Et tout à l'heure, j'y reviendrai. En fait, il a été notamment actif le dimanche dernier, où il a fait 168. En une journée. En fait, il déployé un activisme sur Twitter assez étonnant. Ce qui fait que j'ai re-regardé tout ça en détail. On verra par la suite. Sinon, Benoît Hamon, les autres candidats sont beaucoup plus rapprochés. et que bon, on voit que sur Facebook, ils ont tous à peu près la même activité, sur Twitter aussi, sauf Mélenchon. Enfin, bref, et sur YouTube, Le Pen, Marine Le Pen, s'active pas mal ces derniers jours. En matière d'engagement, les données semblent suggérer que c'est Mélenchon qui suscite le plus d'engagement. Sauf que c'est pour l'essentiel sur YouTube qu'il obtient son engagement. Sur Facebook et sur Twitter, Mélenchon et Marine Le Pen sont assez à égalité. Mais les données de Mélenchon, je pense, sont le fruit en partie, enfin, sont un peu le fruit d'un activisme d'un noyau de militants assez fort. En fait, je me méfie un petit peu de ces données d'engagement. Autant pour la primaire de la droite et la primaire socialiste, c'était un sujet qui n'était pas un vrai sujet. C'était autant maintenant, je pense que les différents candidats se soucient beaucoup de ces calculs et veillent à ce que l'engagement soit élevé. Est-ce que l'engagement, ça prend en compte vraiment que le candidat ou aussi les autres membres du parti? Parce que on voit les derniers temps, là, par exemple, Marine Le Pen sur YouTube, son activité a augmenté. Est-ce que c'est lié au fait que Philippot ait ouvert une chaîne sur YouTube, par exemple? Non. Que Marine Le Pen. Là, c'est vraiment le compte Marine Le Pen et les réactions au compte Marine Le Pen. C'est pas les comptes des autres membres du parti. C'est vraiment les comptes Facebook, Twitter, Instagram et YouTube de Marine Le Pen. Ou de Mélenchon, ou de Benoît Hamon. C'est vraiment que cela. Donc, je pense, enfin, surtout si on regarde un petit peu dans la durée, on s'aperçoit que les données d'engagement sont en faveur de Marine Le Pen assez largement. Et là, cette dernière semaine, alors ça me permet de revenir. Pourquoi je fais une analyse prudente de ces données qui semblent suivre? Parce que si on se fie à ces données, comme aux données précédentes, ben Mélenchon, il emporte haut la main le premier tour, quoi. Bon, mais j'ai quand même un doute. Et j'ai regardé de façon plus détaillée l'activité et l'engagement et le taux d'engagement sur Twitter au cours de la semaine du 14 au 20 février. Et ça permet d'approfondir et de revenir à la question que vous posiez. Si on regarde le nombre de tweets, on s'aperçoit que Mélenchon a été très actif. Enfin, ils sont tous en dessous de 100, sauf Mélenchon est au-dessus de 300. Et en fait, c'est lié à l'activité d'un seul jour. Il a fait 158 tweets le dimanche. Si on calcule le nombre de tweets par jour, on obtient 44 pour Mélenchon contre autour d'une dizaine pour les autres candidats. En fait, un candidat dans une période normale fait une dizaine de tweets, ça peut descendre jusqu'à 5 voire à 0, et ça va jusqu'à 15-20 les bonnes journées où ils sont très actifs, mais ça va rarement à 100, enfin ça va, pour ainsi dire, normalement ça va pas à 100-150, parce qu'il y a aussi une capacité d'absorption de la part des sympathisants. Enfin, je veux dire, même si vous êtes un fan de Mélenchon, vous n'allez pas passer votre journée à lire les tweets et à liker les tweets de Mélenchon. Pas 160, en tout cas. Là, vous avez le taux d'engagement moyen par poste. Par tweet, en fait, hein. Enfin, par tweet posté, quoi. Et donc, ça, c'est des nombres. Hein. Et donc, vous voyez que le taux d'engagement moyen de Mélenchon est relativement faible. Mais il sollicite trop ses militants. Là, c'est le nombre de followers pour Twitter. On va remarquer que Marine Le Pen en a tant. Et j'ai mis cette colonne pour expliquer la dernière colonne. Et l'engagement, le taux d'engagement c'est l'engagement, c'est-à-dire l'engagement divisé par le nombre de followers. Et vous obtenez un taux en pourcentage, là, mais donc c'est inférieur à 1%. Ce qui est normal, hein. Les tweets normaux sont entre 0 et 1%, le taux d'engagement normal d'un tweet. Parce que on réagit peu, quoi, aux tweets. Mais vous remarquez que le taux d'engagement pour Mélenchon est particulièrement faible. Vraiment très très faible, alors que pour Benoît Hamon, il est plus fort. Alors, l'un n'annule pas l'autre, mais néanmoins, ça montre que l'adhésion des sympathisants de Benoît Hamon et de tous les autres candidats est beaucoup plus fort que l'engagement des followers de Mélenchon. Mais followers, et l'hypothèse que je fais, c'est que malgré le faible taux d'engagement, il obtient quand même des volumes d'engagement assez élevés qui faussent un petit peu la statistique. Et en passant, on remarque que Fillon ne souffre pas du Penelope Gate, parce qu'il obtient un taux d'engagement qui est le deuxième le plus élevé des 5 candidats, et que manifestement, Fillon, enfin, que la base de Fillon suit mieux que ce qu'on prévoyait par rapport au Penelope Gate. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce que suggèrent les sondages. Ils sont un peu dans le brouillard, mais néanmoins, ils mesurent, par exemple, que le taux d'adhésion, le taux de sûreté des sympathisants de Le Pen, ils sont à 70% sûrs de voter Le Pen. Fillon est juste derrière, 60%, alors que Macron est à 30%. Donc ça, c'est cohérent avec ces données de sondage. Et voilà, donc actuellement, en fonction de tout cela, je conclus que la victoire de Le Pen au deuxième tour n'est pas à exclure. Enfin, c'est ce que je conclue. Alors, deuxième conclusion générale, outre cette remarque plus précise, je pense que la Web Analytics et le Social Media Monitoring sont des outils précieux pour analyser l'évolution de l'opinion politique. Alors que les sondages n'arrivent plus à déchiffrer l'évolution de l'opinion politique, pour des raisons diverses, les trois exemples achevés là montrent que ces données permettent quand même de suivre l'évolution de l'opinion politique de façon assez précise. Comme je suis d'origine néerlandaise, de toute façon, il y a l'élection hollandaise qui a lieu le 15 mars, qui sera une nouvelle épreuve. Enfin, une nouvelle épreuve de recherche, quoi. Enfin, j'espère que ça ne sera pas une nouvelle épreuve pour la démocratie, mais le contexte politique aux Pays-Bas, c'est la victoire, en tout cas, l'arrivée en tête du parti de Geert Wilders, parti de la liberté, qui est un parti d'extrême droite. Le deuxième problème, c'est le problème du fake, et surtout, j'ajouterais celui de la manipulation. Parce que le fake, c'est un problème assez bien circonscrit et assez facile à analyser. Mais je pense que le vrai problème qu'on a aujourd'hui, pour que ces données continuent à avoir du sens, c'est la possibilité pour les équipes bien organisées de manipuler ces données par des opérations comme celle sur les tweets de Mélenchon. Et ça concerne pas seulement Mélenchon, je pense que ça concerne bien entendu Marine Le Pen, mais ça concerne quasiment toutes les équipes, quoi. Toutes les équipes ont intérêt à exagérer leur audience sur les réseaux sociaux et à manipuler et à obtenir des taux d'engagement. Parce que petit à petit, ces notions d'engagement deviennent du sens commun. Tous ceux qui suivent, tous ceux qui regardent sont bien au courant. Ça risque de nuire à la prévisibilité de ces données, quoi. Voilà. Donc. Voilà, sur les fakes, c'est quand on analyse les métriques, par exemple, un taux de rebond élevé, une durée de sur le site de qui est faible. Il y a tout un tas d'indicateurs. Ou sur Twitter, il y a aussi toute une liste d'indicateurs. Par exemple, un compte Twitter dont l'auteur n'a pas de photo, c'est un indice de fake. Si vous avez beaucoup de gens qui réagissent et qui ont un œuf à la place de la photo, ou qui ont une activité de tweet un peu singulière, répétitive, ou qui ont des caractéristiques particulières en termes d'abonnement. Enfin, il y a tout un tas d'indicateurs qui permettent de déjouer, d'analyser un petit peu. Mais à chaque fois qu'on peut mieux analyser les fakes, ceux qui fabriquent les fakes progressent également. Enfin, c'est un phénomène bien connu, quoi. Ça va de pair. La tricherie a toujours fait partie de la... Enfin, moi, je suis particulièrement critique à l'égard de... Alors, oui, il y a un problème dont je n'ai pas parlé. C'est la relation ambiguë des médias et des partis politiques aux réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont présentés comme le royaume du fake, de la fausse nouvelle, de la manipulation, de la contre-vérité, de la vérité non vérifiée. Je partage absolument, et en fait je ne partage pas cette analyse. Je crois que les réseaux sociaux, mais c'est vieux comme le monde. Je ne sais pas si vous avez lu l'article très intéressant de Darnton, qui est le président de la bibliothèque de Harvard, dans Le Monde il y a 2 jours. Il y a un article de Darnton, président de la bibliothèque d'Harvard, c'est pas n'importe qui fait l'historique, comme il peut le faire dans une page du Monde, hein, qui fait l'historique des mensonges depuis les Romains. Il remonte aux Romains. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. C'est que ça a toujours fait partie de le mensonge a toujours fait partie de la communication politique. Et c'est très intéressant. Son point de vue, d'abord parce que c'est une autorité qui connaît bien l'histoire, et puis parce que d'une certaine façon, ça relativise l'ère du faux que représenteraient les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux sont une menace pour les médias, sont une menace pour les institutions politiques établies, sont une menace pour les sondages, parce qu'ils n'arrivent pas à les comprendre. Et je pense que on aurait... Enfin, qu'on a tort de les voir, de les dépeindre de façon négative. Même erreur que celle qui est, à mon sens, commise en utilisant le terme de façon négative de populisme. Parce que le populisme, ça veut dire que c'est le peuple qui est mauvais, quoi. Enfin, l'utilisation négative du populisme, ça consiste à dire que le peuple est dans l'erreur. Or, ce que les gens entendent, c'est qu'on se moque du peuple. Ce qui est remarquable pour les deux primaires, que ce soit celle de Fillon ou l'élection de Fillon ou l'élection de Benoît Hamon, c'est à quel point les médias dans un cas jouaient la carte Juppé, dans l'autre cas jouaient la carte Valls, n'ont pas été suivis. Je sais pas, moi j'étais particulièrement choqué le soir du premier tour en regardant la façon dont France 2 rendait compte du premier tour de la primaire socialiste. Enfin, c'était de présenter Hamon comme étant celui qui allait amener à l'échec le Parti socialiste au deuxième tour. C'était une critique. Et ce qui est remarquable, c'est pas tellement ça, c'est à quel point cette façon de présenter l'actualité politique n'a plus aucun effet sur les téléspectateurs, sur les internautes, qui, malgré ça, ils ont voté massivement assez massivement pour Hamon. C'est-à-dire que les médias ont perdu la main en tant que fabrique de l'opinion. Alors certes, ça donne un espace, et ça a été le début de mes investigations, ça donne un espace aux réseaux sociaux complotistes, d'extrême droite, etc. Ça donne un espace à Sputnik News, à Russia Today, qui sont par ailleurs très bien classés. Il faut savoir, moi, un des faits qui m'a le plus frappé quand j'ai commencé à étudier les statistiques d'audience, c'est que je me suis intéressé à l'audience du site Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral. Lui-même, il se définit comme national-socialiste. Il a été condamné N fois pour antisémitisme. Enfin, c'est vraiment l'extrême droite avérée, proclamée. Son audience est supérieure, au moins égale tout le temps, à celle de Mediapart. Et les audiences de Russia Today et de Sputnik News sont dans les mêmes eaux à peu près que Mediapart, sont meilleures que France Inter, France Culture. C'est tout à fait fascinant ces phénomènes. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux ouvrent des espaces pour ce type d'information, mais je pense que les médias et les institutions politiques n'ont pas fait l'analyse critique de leur mode de fonctionnement. Je pense par exemple que le Codex du Monde, c'est une erreur monstrueuse, quoi. Enfin, je pense, pour avoir étudié et m'être affronté à l'extrême droite, je crois que c'est une erreur parce que désigner un mauvais, si moi je désigne une mauvaise élève, enfin une mauvaise étudiante, et si moi-même je suis suspecté d'être un mauvais prof, ben, mon acte n'a aucune importance. C'est ce qui se passe. Les médias officiels, malgré le bien que je pense du monde, sont suspectés aux yeux de la masse. Les médias, la télévision officielle, sont suspectés. Donc que le monde aille désigner Sputnik News ou que Arte désigne Sputnik News ou fasse son décodeur, voilà. Je pense que c'est contre-productif même. Je pense que ça alimente, les médias nous manipulent. Si on regarde Alexa, on obtient des données pour un site. Alors, il vaut peut-être mieux utiliser un site précis, par exemple, le site de Donald Trump. Voilà la page qu'on obtient. Donc, vous obtenez le rang global. Il est au 10 000e rang mondial. Il est au 2 000e rang aux États-Unis. Et puis vous descendez dans la page. Vous obtenez un certain nombre de métriques, là, hein, le bounce rate, le nombre de pages vues, le temps passé, etc. Vous obtenez les mots-clés, comment on arrive à trouver Donald Trump. Et puis, tout à fait en bas, normalement, vous obtenez qui visite le site de Donald Trump. Hein. Alors, on voit par exemple que c'est beaucoup plus mâle que femelle, enfin femelle en tout cas, excusez-moi. Et on voit que c'est plus, c'est quand même très très masculin. On peut se demander jusqu'où c'est vrai, quoi. On peut voir que contrairement à ce qu'on pense, qu'il y a plus de gens graduate, voilà. L'âge, on voit que c'est plutôt les personnes âgées avec une courbe en U pour l'âge. Enfin, on obtient un certain nombre de data. Sauf qu'on les obtient pas pour chaque site. Par exemple, si on avait rentré le site de Hamon, on obtiendrait, parce qu'ils n'ont pas assez de données. Parce que en fait, comment elles sont récoltées, ben, par rapport à Google. Ouais. Parce qu'il y a une partie des données. Quand vous vous connectez, que vous avez un... pour Alexa, il y a des sites certifiés et des sites estimés. Et pour les sites certifiés, vous obtenez un certain nombre... par exemple, moi, si je clique sur un site, si moi j'ai un compte Google avec tout mon profile, ça va rentrer dans les statistiques, quoi. Oui, d'accord, donc il récolte les données sur voilà. Voilà. Mais qui génère les catégories? Parce que là, je vois par exemple ethnicité, et donc ça correspond un peu à la société, on va dire, des États-Unis. Oui, oui, oui. Si on le faisait en France, il y aurait cette catégorie-là, par exemple pour un site français. Je crains que pour un site français, ils vont utiliser les mêmes catégories parce qu'il y a une imposition des sites. C'est pour ça que j'utilise toujours deux. On peut par exemple, François Fillon, c'est Fillon, Fillon 2017. Voilà, alors voilà. Donc, ça va nous permettre de voir tout de suite. Le détail qu'on obtient pour François Fillon. Et ça nous permettra de répondre à votre question. Donc, voilà, il n'est pas trop mal classé, sauf que là, on a le site en France. Alors, la question portait sur les sites, sur les... Ethnicité. Ben voilà, oui. Oh, tiens. Mais ça, je voulais... Ah oui. Mais un des reproches qu'on fait à Alexa, c'est qu'il est beaucoup meilleur sur les sites anglo-saxons que sur les sites français. Et on le voit là, il y a beaucoup moins de données, par exemple, que visiblement ici, non seulement il utilise les catégories américaines, mais en plus, il n'est pas capable de les. Voilà, parce qu'en France, c'est interdit. En France, c'est interdit. Donc, vous ne pouvez pas mettre sur votre profil Google en tient un compte, mais vous ne pouvez pas mettre sur votre. Alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas interdit. Ouais, mais donc, on voit quand même qu'il y a plus de personnes qui n'ont pas d'enfants que des choses comme ça, quoi. Mais je n'utiliserai pas trop ces données-là, cette partie-là du tableau. Si je me demandais sur la tranche d'âge, je me demandais, par exemple en France, est-ce qu'il y aurait des créneaux exclus de ces statistiques puisqu'ils n'utilisent pas les réseaux sociaux où on peut dire que vraiment c'est répandu en ce moment. Alors, contrairement à une idée assez répandue, je pense que toutes les parties de la population consultent. Il y a 88% des Français qui ont un accès régulier à Internet. Et il y a un certain retard pour les populations les plus âgées, mais ce retard n'est d'une part pas si important que ça, et d'autre part, c'est la partie de la population dont la consultation d'Internet croît le plus depuis ces derniers temps. Donc... Mais en revanche, vous voyez bien que là, l'âge, il n'y a pas de 55-64 et qu'il manque de données là-dessus. En fait, c'est le blanc signifie on n'a pas de données, quoi. Mais c'est sûr que ces données-là sont... moi, je ne les utiliserai pas. Peut-être que si on fait une comparaison des sites de Trump et de Hillary Clinton, on obtiendrait un certain nombre d'indications, mais je ne les utiliserai pas pour comparer Fillon, Benoît Hamon, Mélenchon et Marine Le Pen. Oui, il y a quand même pas mal d'indications sur les postes publics partagés. Enfin, du coup, c'est des modes par rapport à ce type de données Oui, oui, oui, parce que c'est tout à fait partiel. On voit bien que c'est partiel parce que les personnes parce qu'il y a des tas de blancs là quand même. Par exemple, en France, y compris les gens sans études qui n'ont pas été à l'université consultent quand même Internet. Oui, oui. Mais ces statistiques sont établies que sur une petite fraction de l'ensemble des personnes qui consultent un site. Donc elles sont deux fois, enfin elles sont à mon sens, c'est pour ça que je m'en méfie quoi. Moi je les utilise pas. Je crois que la valeur sociologique de ces données est assez limitée. J'ai trouvé intéressant cet indicateur d'engagement, hein, parce que c'est, disons, celui qui rapproche plus le leader aux ceux qui le suivent. Hein. Mm-hmm. Et je me demandais qu'est-ce qui révèle cet indicateur par rapport au style de leadership ou à la personne et le suivi que font les gens. Hein, c'est-à-dire, ce style de leadership, c'est... Là, il faudrait faire des analyses de contenu sur... je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'on en obtiendrait davantage que par des moyens classiques. Hein. Par exemple, le style de leadership de Mélenchon, Marine Le Pen... Mais peut-être vous avez raison, mais il faudrait étudier le contenu de la communication... Et le type de commentaires, notamment. Mm-hmm. Le type de commentaires. C'est vrai que moi, j'estime... Enfin, et pour l'avoir écrit, je me suis fait bastonner par les sympathisants de Mélenchon. J'avais écrit que le rapport des sympathisants à Mélenchon était de nature assez religieuse. Je ne sais pas s'il y en a qui sont abonnés à Mediapart. Personne n'est abonné à Mediapart. Parce que sur Mediapart, il y a une particularité, c'est que les commentaires sont libres et non modérés. Donc, n'importe quel article suscite des tonnes de... Enfin, n'importe quel article. Les articles les plus importants suscitent des tonnes de commentaires et les partisans de Mélenchon sont assez nombreux parmi ces commentaires. Et la moindre critique de Mélenchon, la moindre remarque un peu distanciée... suscite des réactions. Donc effectivement, bon, mais là on n'est pas dans les réseaux sociaux, mais je pense que si on étudiait les commentaires, on obtiendrait une certaine représentation du leadership, du leader, du rapport au leader, qui serait assez intéressante. Mais il faudrait rentrer dans les commentaires. Il y a une étude qui est lancée par un linguiste dans une université justement sur ça, sur le type de communication par ces réseaux sociaux. Oui, oui. Il y a eu, tout à l'heure, en démarrant, il y a un site que je vous conseille qui s'appelle The Conversation, qui est un site d'origine américaine, qui est un site qui est écrit exclusivement par des académiques, par des universitaires, des chercheurs, mais la commande, c'est d'écrire en 8000 caractères pour un public généraliste. Et il publie énormément. Alors vous voyez, si vous voyez le détail, c'est que chaque auteur est rattaché et qualifié par son institution universitaire de référence. Par exemple, Jean Didier, Université de Lorraine, La Roche, l'SCP. Et il y a eu un des articles sur l'analyse de contenu de Twitter qui a été faite par... alors je ne sais pas comment on peut trouver... Analyse. Analyse Twitter, analyse... En tout cas, c'est un site intéressant à connaître. Je pense que même vous pourriez publier soumettre des articles. Ils font une fois qu'on est abonné, on reçoit régulièrement des appels à publication sur des sujets très précis. Moi, je me demandais par curiosité sur quoi vous travailliez avant, et aussi si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez trouvé du coup par ces outils sur la façon dont les grands milieux de goût a été infiltré par les collectifs d'extrême droite. Alors, avant, j'ai travaillé sur deux objets qui sont les relations professionnelles et la démocratie. Donc, ça fait longtemps que je m'intéresse à la démocratie. J'ai écrit un petit ouvrage pour la démocratie participative en 2003 aux presses de Sciences Po. En ce qui concerne Nuit Debout, j'avais publié « Comment infiltrer et troller Nuit Debout ». En fait, ce que j'ai découvert en allant sur les différents sites d'extrême droite, c'est que sur AgoraVox, un site d'information qui autrefois était bien, mais qui est devenu le domaine de l'extrême droite, un militant proche d'Étienne Chouard, qui est un confusionniste en chef de l'extrême droite, qui s'appelle, donc qui a comme nom Anthony Rever, il a publié le 19 avril 2016 un truc que vous trouvez, un billet que vous devez pouvoir toujours trouver, qui s'appelle Nuit debout, 6 arguments libertaires contre l'exclusion. Et ces six arguments, et voilà, il détaillait dans voilà les 6 arguments contre ce type d'exclusion pour lancer. Donc là je recopie le message de Sylvain Baron, de Anthony Rever, et qui part de l'exclusion de Nuit debout de Sylvain Baron, Étienne Chouard, etc., parce que Nuit debout a été assez ferme sur l'exclusion dans l'extrême droite. Et donc il développe à la suite de cette introduction des arguments pour contrer les tentatives d'exclusion de l'extrême droite. Donc premièrement, de dire que censurer c'est être fasciste. Deuxièmement, qualifier certains gens de fascistes c'est erroné, parce qu'ils n'ont jamais été violents. Nuit debout, c'est un moment public, donc on n'a pas le droit d'exclure. Enfin, bref, quoi. Il développe 6 arguments, et dans mon billet, je démontais chacun des 6 arguments. Et parce que, en fait, ce que révélait ce billet, c'est que l'extrême droite, mais alors, ça touche les mouvements citoyens comme les radicaux de gauche. C'est-à-dire que une partie du discours citoyen et de la gauche radicale a été récupérée par l'extrême droite. Le discours de critique du fonctionnement démocratique, le discours de critique du néolibéralisme, tout ça a été repris par l'extrême droite, qui épouse ces critiques, qui les formule de façon un petit peu confuse, de façon à pouvoir se rapprocher des mouvements citoyens et de la gauche radicale, mais avec la volonté et l'objectif politique de toujours, in fine, revendre son discours d'extrême droite. C'est assez subtilement fait, et en fait, ce dont l'intelligentsia, les universitaires, les chercheurs ne se sont pas aperçus, c'est que l'extrême droite avait récupéré tout un vocabulaire, toute une rhétorique, et avait gagné la bataille dont Gramsci parlait, la bataille idéologique et culturelle, et que en fait on est... Enfin, la gauche radicale, la gauche citoyenne ont perdu beaucoup de batailles idéologiques pour ne les avoir pas vues venir et pour avoir méprisé l'extrême droite. Et du coup, dans la façon dont vous avez travaillé pour voir un peu comment l'extrême droite pouvait investir des sites ou des blogs ou plutôt de gauche, du coup, vous pouvez suivre des pseudos pour voir par exemple des commentaires sur Mediapart. J'ai fait un travail plus... Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à une série d'articles que je viens de faire, que j'avais écrit depuis assez longtemps. Mais j'ai écrit trois billets que j'ai publié en trois moments, qui s'appellent « Le bon, la brute et le truand ». Dans lequel j'analyse en détail et de façon argumentée la façon dont Alain de Benoist, Alain Soral et Étienne Chouard représentent trois versions de l'extrême droite, trois, qui, comme toute personne d'extrême droite, nie être extrême droite, mais qui développe bien un discours, chacun à leur façon. Alain de Benoist, de façon beaucoup plus académique, parce qu'il a besoin de reconnaissance académique. Alain Soral, lui, de façon violente, brutale, sans se cacher, s'affichant avec un t-shirt sur lequel est marqué Goy en lettres gothiques. Chouard, de façon plus confuse, plus, voilà, c'est un vrai truand, quoi, idéologiquement parlant. Et puis les trois, ben voilà, la photo d'Alain de Benoist, il est comme par hasard sur Sputnik News. Donc voilà, c'est ça que je... alors en fait, je n'essaye pas tant de voir qui se cache derrière quelqu'un d'autre, mais quand il y a un mouvement qui se développe, j'essaye de voir... alors ça paraît un petit peu, c'est critiqué par certains de mes collègues, mais qui fréquente qui. Par exemple... Il y a un mouvement qui est en train de se développer qui s'appelle 100%. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. 100%, c'est un regroupement de mouvements citoyens dont les têtes d'affiche sont Governatori, dont la lecture de la fiche Wikipédia suffit à classer le personnage, sont un chanteur qui s'appelle Lalanne, et qui comprend dans... Alors, voilà comment je bosse, quoi. Je suis plus ou moins en train, là, c'est un peu en train de travailler sur l'extrême droite, quoi. Donc, je fais des fiches, quoi, sur les mouvements, sur les personnes... donc là c'est plutôt un mouvement, donc des réseaux, quand j'obtiens des informations, je les note, je les stocke, quoi. Donc mouvement 100%, voilà, mouvement 100%, c'est un travail tout à fait récent, et ce mouvement 100% comprend un certain nombre de mouvements, Alliance écologiste indépendante. Donc je vais voir chaque site, et en allant voir Alternative démocrate, voilà ce que j'ai découvert. Voilà, Alternative démocrate est un site lié à Altermonde sans frontières, et comme par hasard, sur ce site, on trouve toute une série d'insinuations antisémites. Alors, la première, c'est un thème classique, on parle des juifs mais pas d'esclavage, voilà, bon, ça, le CSA saisi du cas Levaille, voilà, Harry Clinton effacé de la photo, voilà, et puis il y a une rubrique médias mensonges qui est assez et puis surtout il y a une rubrique qui s'appelle prétexte d'antisémitisme dans le site de 100%. Dans le site d'un des mouvements qui appartient à 100%. Et ça, c'est délicat, parce que c'est fait de façon... c'est pas du Soral, quoi. Soral, il est brut de décoffrage, c'est un antisémite déclaré. Et là, c'est... Vous voyez, c'est... D'abord, un prétexte d'antisémitisme, quoi. L'antisémitisme, c'est pas un prétexte, quoi. C'est suggérer que l'antisémitisme sert en fait d'autres objectifs. Et puis comme et puis vous voyez voilà, il y a tout un tas d'allusions, il y a rien d'antisémite, mais il y a l'idée que l'antisémitisme est une idéologie qui sert d'autres objectifs que l'antisémitisme. La dénonciation d'antisémitisme sert d'autres objectifs que de défendre les juifs. Donc voilà comment je bosse. J'ai un truc, mais c'est... Puis je travaille par association d'idées, quoi. Quand je vois quelqu'un que je ne sais pas d'où il vient, je l'associe. Je vois avec Chouard. Pendant longtemps, ça a bien marché avec Chouard. où je vois avec Spoutnik, si quelqu'un accepte d'aller sur Spoutnik, c'est quand même... c'est pas pourquoi, neutre. Parce que j'ai un peu suivi un des trois, je sais plus si c'est le brut ou le méchant, Étienne Schwartz. Schwartz, c'est ça? Schwartz, ouais. Je suis étonné que vous le classiez parmi les gens d'extrême droite. Oui, je sais que c'est mais si vous avez en souvenir, c'est très argumenté. Ouais. Et j'ai écrit un autre article sur ses idées sur la démocratie, qui sont... parce que c'est plus une discussion au fond, mais quand même, Choir, justement, il est dangereux parce qu'il vient, comme beaucoup de militants d'extrême droite viennent de l'extrême gauche ou de chez Chevènement, par exemple. Alors, Choir, pourtant, c'est si on regarde, premièrement. Premièrement, dérive complotiste, il a quand même vanté Messant qui prétend que les attentats de New York c'est soit les juifs soit le complexe militaro-américain, ses amitiés avec Alain Soral. Ah oui. Il est quand même il a quand même dit beaucoup de bien d'Alain Soral en disant que non, c'était pas vraiment. Il n'a pas que des mauvaises idées. Et puis, c'est un hypocrite. Il a fait une mise au point le 27 novembre, disant que bon, il retirait son lien vis-à-vis de Alain Soral et le lendemain, il l'a rétabli. Et c'est les amis de Chouard prétendent. Mais Chouard, il a rompu les liens avec Alain Soral, sans jamais dire, puisque tout le monde sait que le lendemain, il l'a... Et puis, il y a les confidences d'un lieutenant qui montrent comment ils essayent d'infiltrer, comment ils ciblent des intellectuels, hein, comment ils sentent... Pour l'illustrer autrement, quand j'ai créé, avec d'autres, un mouvement citoyen, j'ai écrit un texte qui était une violente critique de la façon dont fonctionnait le système politique français. Et je pensais, sans le dire, que la distinction gauche-droite était plus ou moins dépassée. Et de quoi je me suis aperçu que ce discours, mon texte, était intégralement possible d'être repris par l'extrême droite. Même le fait de marquer qu'on était contre toute discrimination, etc., ils sont prêts à le dire. Ça ne les gêne pas de le dire. Et je me suis aperçu que le discours, l'analyse que la gauche et la droite, c'est des termes obsolètes, c'est le nœud du discours d'Alain de Benoît. C'est un des principes de base de l'extrême droite. De penser que... Et que la critique du système politique, elle devient très rapidement une critique de la démocratie représentative. De la démocratie représentative en tant que telle, quoi. Donc c'est très subtil et en fait on a beaucoup de retard. Mais il y a le meilleur petit ouvrage que j'ai lu à ce sujet, c'est celui de Boltanski et Esquer qui s'appelle Vers l'extrême extension des domaines de la droite. C'est un petit ouvrage dans lequel ils ne citent les deux ne citent aucun nom, mais ils font l'analyse de fond du problème, hein, en montrant que la gauche a perdu une bataille et que l'extrême droite a récupéré tout un... Par exemple, le combat pour la laïcité, c'est quand même extraordinaire que ce soit Marine Le Pen qui défende la laïcité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et alors, le thème ni gauche ni droite, c'est vraiment... Et surtout que ça a été popularisé par Podemos aussi. Podemos qui est quand même très, très ancré à gauche, quoi. Mais alors, ça nous ramène au sujet, ils sont très présents sur Internet, sur les réseaux sociaux, ils ont vraiment occupé le terrain. Et j'ai fait une analyse statistique sur les sites, les 30 sites politiques les plus visités, la moitié sont des sites d'extrême droite. Par exemple, un des thèmes de la gauche radicale et de l'extrême droite partagée, c'est la critique de la finance. C'est la critique de la monnaie. Sauf que l'extrême droite un type d'extrême droite va toujours suggérer que finance égale juif. Il va toujours citer des banquiers juifs, va toujours citer Rothschild, va suggérer, mais de façon subtile, que finance, argent et juif, c'est pareil. Et que le combat contre la finance mondiale, c'est le combat contre le lobby juif. Alors que, normalement, la gauche radicale n'est pas sujette à ça, quoi. Elle distingue la critique de la finance, la critique de la monnaie. Et par exemple, Soral a écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Contre l'Empire », dans lequel, mais lui, au moins c'est clair, enfin, dans lequel il fait une analyse, mais au couteau, quoi, à la serpe. Mais il dit explicitement que c'est les Juifs qui sont responsables de tout ça. Mais ça se projette dans notre vie quotidienne. Moi, j'ai des petits-enfants, mais par exemple, j'ai découvert que des gamins de 10 ans savaient ce que c'était que les Illuminati. Et quand la maîtresse dit quelque chose, il y en a certains qui font ce signe-là pour dire que la maîtresse, elle se trompe, elle dit n'importe quoi, qu'elle fait partie des Illuminati. C'est là que les ravages sont terribles, parce que et qu'on a pas pris conscience assez tôt de ces ravages, et on réagit de façon, à mon sens, à aggraver le problème pour le moment. Pour le dire de façon résumée et carrée, Hollande et Sarkozy sont responsables de la montée de Le Pen. Enfin, à mon sens, hein. Non. Oui, mais pour compléter ce que je viens de dire, je pense petit a que Hollande et Sarkozy, enfin que les politiques de Hollande et de Sarkozy sont responsables de la montée de Le Pen. Petit b, c'est pas pour autant que j'accepte de m'asseoir autour d'une table avec des gens d'extrême droite. Je veux dire que là, c'est pas parce que je critique Hollande et Sarkozy que je vais m'asseoir avec des gens d'extrême droite. D'où le problème de l'infiltration qu'il faut dénoncer. Parce qu'il y a certains mouvements qui à partir de ça, disent plus jamais le PS, par exemple. Voilà, c'est ça. Et qui acceptent de voir l'extrême droite comme une alternative. Ça, c'est une régression. Parce que l'extrême droite, historiquement, a toujours été l'ennemi de la démocratie.